Noirot par Ludovic Galévi. N'ayez pas peur, monsieur, vous ne manquerez pas le train. Voilà 15 ans que je mène les voyageurs au chemin de fer, et jamais je ne leur ai fait manquer le train. Entendez-vous, monsieur? Jamais. Oh, ne regardez pas votre montre. Il y a une chose qu'il faut savoir, et que votre montre ne vous dira pas, c'est que le train est toujours en retard d'un quart d'heure. Il n'y a pas d'exemple que le train n'ait pas été en retard d'un quart d'heure. Il y en eut un, ce jour-là. Le train avait été exact et je le manquais. Mon cocher était furieux. « Il faut prévenir, » disait-il au chef de gare. « Il faut prévenir si vos trains se mettent à partir à l'heure. Jamais on n'a vu ça. » Et prenant à témoin tous les assistants, « N'est-ce pas qu'on n'a jamais vu ça ? Je ne veux pas paraître fautif près de monsieur. Un train à l'heure, un train à l'heure. Dites-lui que c'est la première fois que ça arrive. » Ce fut un cri général. « Oh oui, oh oui. Ordinairement, il y a du retard. » Je n'en avais pas moins 3 grandes heures à passer dans un très mélancolique village du canton de Vaud, flanqué de 2 mélancoliques montagnes qui avaient 2 petites houppettes de neige sur la tête. Comment tuer ces 3 heures? À mon tour, j'invoquai l'assistance. Et ce fut de nouveau un cri général. « Allez voir le chaudron! Il n'y a que ça à voir dans le pays. » « Et où est-il, ce chaudron? » « Sur la montagne de droite, à mi-côte. » Mais le chemin était un peu compliqué. On me conseillait de prendre un guide, et là-bas, là-bas, dans cette petite maison blanche avec des volets verts, je devais trouver le meilleur guide du pays, un brave homme, le père Simon. Je m'en allais frapper à la porte de la petite maison. Une vieille femme vint m'ouvrir. « Le père Simon ? C'est bien ici. Mais voilà, si c'est pour aller au chaudron. » « Oui, c'est pour aller au chaudron. » « Eh bien, il ne va pas bien depuis ce matin, le père Simon. Il n'a pas de jambes. Il ne peut pas sortir. Seulement, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un pour le remplacer. » « Il y a notre chien. »« Comment, votre chien ?»« Oui, Noirot. Il vous conduira très bien, aussi bien que mon mari. Il a l'habitude. »« L'habitude ? Certainement. Depuis des années, le père Simon l'emmène avec lui. » Alors il a appris à connaître les endroits. Il a bien souvent conduit des voyageurs, et nous en avons toujours eu des compliments. Pour ce qui est de l'intelligence, il en a autant que vous et que moi. Il ne lui manque que la parole. Mais ça n'est pas nécessaire, la parole. » Si c'était pour montrer un monument, oui, parce qu'alors il faut savoir faire des récits et dire des dates historiques, mais ici, il n'y a que des beautés de la nature. Prenez Noirot, et puis ça vous coûtera moins cher. C'est 3 francs, mon mari. Noirot, ça n'est que 30 sous, et il vous en fera boire pour 30 sous, autant que mon mari pour 3 francs. Je l'appelle, pas vrai? Oui, appelez-le. Noirot! Noirot! Il arriva. C'était un petit chien noir, à longs poils frisés et ébouriffés. Il ne payait pas de mine. Mais il avait cependant dans toute sa personne un certain air de gravité, de décision, d'importance. Son premier regard fut pour moi, un regard net, précis, assuré, qui m'enveloppa rapidement des pieds à la tête, un regard qui disait clairement « C'est un voyageur, il veut aller au chaudron. » J'en avais pour ce jour-là assez d'un train manqué, et je tenais essentiellement à ne pas avoir une seconde pareille mésaventure. J'expliquais à cette brave femme que je n'avais que 3 heures pour ma promenade au chaudron. « Oh, je sais bien, » me dit-elle. « Vous voulez prendre le train de 4 heures. Ne craignez rien. Noirot vous ramènera à temps. Allons, Noirot, en route, mon garçon, en route. Au chaudron. Au chaudron. Au chaudron. Au chaudron. » Elle répéta ces mots 4 fois, en parlant lentement et très distinctement, et pendant ce temps, moi, j'examinais Noirot très curieusement. Il répondait aux paroles de sa maîtresse par 2 petits signes de tête qui allaient en s'accentuant et où il entrait évidemment à la fin un peu d'impatience et de mauvaise humeur. On pouvait les traduire ainsi. « Oui, oui, au chaudron, j'ai compris, j'ai parfaitement compris. Ah, mais ça, me prenez-vous pour une bête ?» Et sans laisser finir le 4e au chaudron de Madame Simon, Noirot, évidemment blessé, tourna les talons, vint se planter en face de moi et du regard, me montrant la porte, il me dit aussi nettement qu'il était permis à un chien de le faire. « Allons, venez-vous. » Je le suivis docilement. Nous partîmes tous les deux, lui devant, moi derrière. Nous traversâmes ainsi tout le village. Des enfants qui gaminaient dans la rue reconnurent mon guide. « Hé, Noirot, bonjour, Noirot !» Il voulait jouer avec le chien, mais il tourna la tête d'un air dédaigneux, de l'air d'un chien qui n'a pas le temps de s'amuser, d'un chien qui est en train de faire son devoir et de gagner 30 sous. L'un des enfants s'écria. « Laissez-le donc, il conduit le monsieur au chaudron. Bonjour, monsieur. » Et tous de rire en répétant Bonjour, monsieur. » Je souriais, mais gauchement, j'en suis sûr. Je me sentais embarrassé, un peu humilié même. J'étais, en somme, dominé par cet animal. Il était pour le moment mon maître. Il savait où il allait, et moi je ne le savais pas. J'avais hâte de sortir du village et de me trouver seul avec Noirot en face de ces beautés de la nature qu'il avait mission de me faire admirer. Ces beautés de la nature furent, pour commencer, une affreuse route poudreuse et brûlante sous un soleil de plomb. Le chien marchait d'un pas alerte et je me fatiguais à le suivre. J'essayais de modérer son allure. « Noirot, allons, Noirot, mon garçon, pas si vite !» Noireux faisait la sourde oreille, poursuivait, sans vouloir m'entendre, son petit bonhomme de chemin, et fut pris brusquement d'un véritable accès de colère quand je voulus m'asseoir au coin d'un champ sous un arbre qui donnait une ombre grêle. Il aboyait d'une petite voix rageuse, me jetait des regards irrités. Évidemment, ce que je faisais était contraire à la règle. On n'avait pas la coutume de s'arrêter là, et les jappements étaient si aigus, si agaçants, que je me levais pour reprendre ma route. Noireux se calma tout aussitôt et se remit à trottiner gaiement devant moi. Je l'avais compris, il était content. Quelques minutes après, nous entrions dans un délicieux chemin tout fleuri, tout ombreux, tout parfumé, tout plein de fraîcheur et de murmures des sources. Noirot, tout aussitôt, se glissa sous bois, prit le galop et disparut dans le petit sentier. Je le suivais, un peu haletant. Je n'avais pas fait une centaine de pas que je trouvais mon Noirot qui m'attendait, la tête haute et l'œil brillant, dans une sorte de salle de verdure égayée par la chanson d'une mignonnette cascade. Il y avait là un vieux banc rustique, et le regard de Noirot allait avec agitation de mes yeux à ce banc et de ce banc à mes yeux. Je commençais à comprendre le langage de Noirot. « À la bonne heure, » me disait-il, « voilà une place pour s'arrêter. Il fait bon ici, il fait frais. Allons, assieds-toi. Tu peux t'asseoir, je te le permets. » Et je m'arrêtais, et je m'assis, et j'allumais un cigare. Je fis presque le mouvement d'en offrir un à Noirot. Il fumait, peut-être. Mais il s'était déjà couché et assoupi à mes pieds. Il était habitué à faire à cette place une petite halte et une petite sieste. Il ne dormit guère qu'une dizaine de minutes. J'étais d'ailleurs parfaitement tranquille. Noirot commençait à m'inspirer une confiance absolue. J'étais résolu à lui obéir aveuglément. Il se leva, s'étira, me jeta ce petit regard de côté qui signifiait « En route, mon ami, en route !» Et nous voilà tous deux cheminant sous bois, mais d'une allure plus lente. Évidemment, Noirot goûtait le charme, le silence et la douceur du lieu. Sur la route, tout à l'heure, ayant hâte d'échapper à cette chaleur, à cette poussière, il s'avançait d'un petit pas sec, serré, pressé. Il marchait pour arriver, et maintenant, rafraîchi, détendu, Noirot marchait pour le plaisir de marcher dans un des plus jolis petits sentiers du canton de Vaud. Un autre chemin se présente à gauche. Noirot hésite un moment, il réfléchit, puis il passe et continue sa route droit devant lui, mais non sans quelque trouble et sans quelque incertitude dans sa démarche. Et voici qu'il s'arrête. Il a dû se tromper. Oui, car il fait volte-face. Nous nous jetons dans le sentier à gauche, lequel, tout d'un coup, au bout d'une centaine de pas, nous conduit à une sorte de cirque. Et Noirot, le nez en l'air, m'invite à contempler la très respectable hauteur de l'infranchissable muraille de rochers qui forme ce cirque. Lorsque Noirot pense que j'ai suffisamment contemplé, il fait de nouveau volte-face et nous revenons sur nos pas pour reprendre notre premier chemin. Noirot avait oublié de me montrer le cirque de rochers, légère faute qui avait été bien vite réparée. Le chemin devient très montueux, très accidenté, très dur. Je n'avance plus que lentement, avec des précautions infinies. Noirot, lui, saute lestement de roche en roche, mais il ne m'abandonne pas. Il m'attend, en attachant sur moi des regards chargés de la plus tendre sollicitude. Enfin, je commence à entendre comme un bouillonnement. Noirot se met à japper joyeusement. « Courage !» me dit-il. « Courage, nous arrivons. Tu vas voir le chaudron. » C'est, en effet, le chaudron. Une source assez modeste, d'une hauteur également modeste, tombe, avec des rejaillissements et des rebondissements, dans une roche légèrement creusée. Je ne me consolerai pas d'avoir fait cette laborieuse ascension pour voir cette très médiocre merveille, si je n'avais eu pour compagnon de route ce brave Noirot, qui est lui bien autrement merveilleux que le chaudron. De chaque côté de la source, dans des petits chalets suisses, sont installées de petites laiteries suisses tenues par deux petites Suissesses, l'une blonde, l'autre brune. Toutes deux, en costume national, sur le seuil de leurs deux petites boîtes découpées à la mécanique, guettent avidement mon arrivée. Il me semble que la petite blonde a de très jolis yeux, et j'avais déjà fait 3 ou 4 pas de son côté lorsque Noirot, éclatant en aboiement furieux, me bat résolument le passage. Aurait-il une préférence pour la petite brune ? Je change de direction. C'était bien cela. Noirot s'apaise comme par enchantement quand il me voit assis à une table de sa jeune protégée. Je demande une tasse de lait. L'ami de Noirot rentre dans son petit joujou et Noirot se faufile à sa suite dans la maison. Par une fenêtre entrebâillée, « Je suis des yeux, mon Noirot. » Le misérable, on le sert avant moi. C'est lui qui, le premier, a sa grande jatte de lait. Il est vendu. Après quoi, avec les gouttes de lait encore suspendues à ses moustaches, Noirot vient me tenir compagnie et me regarder boire mon lait. Et là, tous deux, absolument satisfaits l'un de l'autre, respirant à plein poumon l'air vif et léger de la montagne, nous passons, à 300 ou 400 mètres d'altitude, une demi-heure délicieuse. Puis, Noirot commence à donner quelques signes d'impatience et d'agitation. Je lis maintenant dans ses yeux à livre ouvert. Il faut partir. Je paye, je me lève, et pendant que je m'en vais à droite, vers le chemin qui nous a conduits sur la montagne, je vois mon Noirot qui va se planter à gauche, à l'entrée d'un autre chemin. Il attache sur moi un regard sérieux, sévère. Que de progrès j'ai fait depuis 2 heures, et comme la silencieuse éloquence de Noirot m'est devenue familière. « Quelle opinion as-tu de moi ?» me dit Noirot. « Crois-tu que je vais te faire faire 2 fois la même route ?»« Non pas, vraiment. Nous allons redescendre par un autre chemin. » »« Nous redescendons par cet autre chemin. » Mon guide me laisse le loisir d'admirer un très remarquable point de vue, et quand nous nous séparons à la gare, voici comment je traduis en bon français le dernier regard de Noirot. « Nous sommes en avance de 20 minutes. Ce n'est pas moi qui t'aurais fait manquer le train. » Ainsi s'achève Noirot par Ludovic à Lévis.